Chapitre 6e. La maison du bon Dieu était bâtie sur les dernières hauteurs de Chaillot, dans une situation aussi riante que salubre. Un grand et ombreux jardin entourait les bâtiments d'une élégante simplicité. Cette nuit de mai était pleine de douceur et de sérénité. Les parfums printaniers embaumaient l'air. De nombreux becs de gaz éclairaient la grande allée couverte qui conduisait au corps de logis principal, au-devant duquel s'élevait un perron de quelques marches. Le vieux mulâtre avait suivi le cortège. Il le vit se ranger silencieusement en demi-cercle autour du perron, car aucune salle n'aurait pu contenir l'affluence de la foule. Bientôt, Louis Richard, selon son habitude de chaque année, s'avança sur le perron et prononça d'une voix émue et chaleureuse les quelques paroles suivantes. « Mes amis, il y a cette nuit 5 ans que je perdais le meilleur des pères. Il périssait d'une mort affreuse, lors du sinistre du chemin de fer de Versailles. Mon père, maître d'un patrimoine assez considérable, aurait pu vivre dans l'aisance et l'oisiveté. Il a vécu pauvre et laborieux, tandis qu'il renonçait ainsi à tout bien-être, gagnant par son travail le pain quotidien. Sa parcimonie sublime accumulait lentement de grandes richesses. Son abnégation les augmentait chaque année. Vint le jour prématuré de sa mort. J'eus à pleurer un des plus fervents amis de l'humanité, car selon ses dernières volontés, j'ai consacré ses biens à l'accomplissement de 3 saints et grands devoirs, envers les enfants, envers les jeunes filles, envers les femmes que l'âge ou les infirmités rendaient incapables de travailler. Aux enfants pauvres, si souvent privés d'une éducation tutélaire, mon père a voulu que l'instruction élémentaire et plus tard professionnelle fût assurée. Aux jeunes filles laborieuses et probes qu'un salaire insuffisant, la souffrance, la misère, n'expose que trop fréquemment aux séductions du vice, mon père a voulu qu'une dot modeste fût assurée. Cette assistance, jointe aux fruits du travail de chaque ménage, lui permettra du moins de goûter dans toute leur douceur et leur pureté les saintes joies de la famille, joies souvent, hélas, ignorées au milieu des maux qu'enfante la pauvreté. Enfin, aux femmes âgées ou infirmes qui, après une longue vie de labeur, sont hors d'état de gagner leur subsistance, mon père a voulu assurer du moins le repos et le bien-être de leurs vieux jours. Ces dernières volontés de mon père, je les ai religieusement remplies dans la limite des moyens d'action qu'il m'a laissés. Sans doute, le bien qu'il dispense ainsi chaque année par mes mains est peu de chose, si l'on songe aux innombrables misères de l'humanité. Mais celui qui fait tout le bien qu'il peut faire, ne partage-t-il que son morceau de pain avec son frère affamé? Celui-là agit comme il doit agir, il accomplit le devoir que l'humanité impose. Ce devoir est celui de tout homme de bien, et il doit employer tous ses efforts à se rapprocher de cet idéal par des actes. Ainsi a fait mon père. De sa généreuse pensée, je ne suis que l'écho, que l'agent. L'accomplissement de ce glorieux devoir remplirait ma vie d'une félicité sans mélange et sans borne, si je n'avais à pleurer la mort d'un père à jamais regretté. À peine Louis Richard avait-il prononcé ces dernières paroles, qu'un certain tumulte s'éleva au milieu de la foule dont le perron était entouré. Le vieux mulâtre, succombant à son émotion, sentit ses forces lui manquer et tomba sans mouvement dans les bras de ceux qui se trouvaient à côté de lui. Louis Richard, instruit de la cause de cette subite agitation, accourut auprès du vieillard, et afin de mieux s'assurer de son état et de pouvoir lui donner des soins plus prompts, il le fit transporter dans son appartement situé au rez-de-chaussée, puis il pria les nouveaux époux de se rendre au souper destiné à les réunir au ménage des années précédentes. Madame Lacombe et Mariette devaient, en l'absence momentanée de Louis Richard, le suppléer dans la présidence de ce repas servi dans le jardin sous une tente immense. Le vieux mulâtre avait été transporté, toujours évanoui, dans le cabinet de Louis. Celui-ci, par un pieux respect pour la mémoire de son père, ne s'était pas séparé du pauvre mobilier de la chambre qu'ils avaient si longtemps habité en commun. La table de bois narci, la vieille commode, l'antique bahut, tout avait été gardé, ainsi que la couchette, peinte en gris, sur laquelle on avait jeté une courte pointe et qui servait de lit de repos à Louis Richard. C'est sur cette couche que le vieillard fut porté. Une bougie allumée à la hâte éclairait faiblement cette pièce. Louis, dès qu'il y entra, envoya un domestique à une petite pharmacie, dépendante de la maison, demander quelques spiritueux, et resta seul avec le vieux mulâtre. Ses épais cheveux blancs retombaient sur son front. Son inculte et longue barbe cachaient presque entièrement ses traits. Louis prit sa main pour consulter son pouls. À ce moment, le vieillard fit un léger mouvement et prononça quelques mots inintelligibles. Le son de cette voix frappa cependant Louis. Il tâcha de mieux distinguer les traits de celui qu'il secourait. Mais la demi-obscurité de la chambre et la longueur des cheveux et de la barbe du mulâtre rendirent infructueux cet examen. Soudain, son hôte leva languissamment la tête, regarda autour de lui, et ses yeux s'étant arrêtés sur le dossier du lit peint en gris et contourné d'une façon particulière, il fit un mouvement de surprise. Mais lorsqu'il eut aperçu le bahut si reconnaissable par sa forme, il ne put retenir ses mots. « Où suis-je? Est-ce un rêve? Mon Dieu, mon Dieu !» L'accent de cette voix, de plus en plus distincte, frappa Louis de nouveau. Il tressaillit légèrement, mais bientôt, secouant la tête et souriant avec amertume, il se dit tout bas. « Hélas, les regrets nous causent souvent des illusions étranges. » S'adressant alors au vieillard d'un ton affectueux, « Eh bien, comment vous trouvez-vous, bon père ?» À ces mots, le mulâtre, se dressant sur son séant, saisit vivement la main de Louis avant que celui-ci eût pu s'y opposer, et la couvrit de larmes et de baisers. L'époux de Mariette, surpris, touché de ce mouvement d'effusion, reprit « Allons, calmez-vous, bon père. En vérité, je n'ai rien fait jusqu'ici qui puisse me mériter votre reconnaissance. Un jour, je serai peut-être plus heureux. Mais dites-moi, comment vous trouvez-vous? Est-ce la fatigue, la faiblesse, qui ont causé votre évanouissement ?» Le vieillard resta muet, baissa la tête sur sa poitrine sans quitter la main de Louis, dont il semblait ne pouvoir se détacher. Il la serrait contre sa poitrine haletante dans une étreinte convulsive. Le jeune homme, gagné par une émotion singulière et croissante, sentit les larmes lui venir aux yeux et reprit « Bon père, écoutez-moi. »« Oh, encore !» murmura le vieux mulâtre d'une voix étouffée. « Encore ? Comment ? Que je vous dise encore, bon père ?»« Oui, » répondit le vieillard, qui tremblait de tous ses membres. « Oui, encore. »« Eh bien, bon père ?» Le jeune homme ne put achever. Son hôte, incapable de se vaincre plus longtemps, se redressa et s'écria d'une voix vibrante de tendresse. « Louis !» Ce nom, prononcé avec l'expression de toutes les forces de l'âme, ce mot seul était une foudroyante révélation. Le jeune homme pâlit, se rejeta en arrière et resta pétrifié, les yeux fixes, hagards. La commotion était trop violente, l'ébranlement moral trop profond, pour qu'il ne s'écoulât pas quelques instants avant que cette pensée « Mon père n'est pas mort » pût arriver jusqu'à l'entendement de Louis. Ainsi, la brusque transition d'une nuit profonde à l'éclat du soleil nous éblouit et nous rend momentanément aveugles. Mais lorsque Louis, remis de cette violente secousse, envisagea la réalité sans vertige, il se jeta sur le lit du vieillard, écarta d'une main convulsive ses longs cheveux blancs, puis parcourant d'un œil avide, radieux, enivré, les traits de son père enduits d'un bistre factice, il ne conserva plus aucun doute et ne put que balbutier ces mots dans une sorte de délire filial. « Toi, oh mon Dieu, toi, mon père !» Renonçons à peindre cette première explosion de tendresse qui jeta le père et le fils dans les bras l'un de l'autre. Qui pourrait rendre ces étreintes, ces mots sans suite, ces cris, ces déchirements d'une joie trop aiguë, ces défaillances de l'esprit et du corps trop faibles pour un pareil ravissement, mais bientôt suivis de ces élans passionnés qui emportent l'âme jusqu'aux dernières limites de la félicité. À ces emportements de bonheur succéda enfin un moment de calme. Le père Richard dit à son fils « En deux mots, mon cher enfant, voici mon histoire. J'ai dormi pendant 5 ans. Il y a 48 heures que je me suis complètement éveillé. Que dites-vous ? Je me trouvais avec le pauvre Ramon et sa fille dans un des wagons les plus maltraités lors de la catastrophe. Un hasard providentiel, encore inexplicable pour moi, m'a sauvé la vie, quoique j'aie eu la cuisse droite cassée et que l'épouvante m'ait rendu fou. Vous, mon père ? Oui, je suis devenu fou de terreur. J'ai complètement perdu la raison. Oh mon Dieu ! Conduit loin du lieu du sinistre, chez un digne médecin, ma fracture guérie, j'ai été transporté dans un hospice d'aliénés à Versailles. Ma folie était inoffensive, je ne parlais que de mes trésors perdus. Pendant près de 4 ans, mon insanité fut incurable. Mais grâce aux soins des médecins, mon intelligence s'éclaircit peu à peu, lentement et par intermittence. Puis ma guérison fit de nouveaux progrès, avança et devint enfin complète, assurée. Car il y a 2 jours, je te le répète, mon enfant, j'ai pu sortir de l'hospice. te dire ce que j'ai éprouvé lorsque je me suis retrouvé en possession de toute ma raison, de tous mes souvenirs, me serait impossible. Je m'éveillais, je te l'ai dit, d'un long et profond sommeil de 5 années. Ma première pensée, je te dois cet humiliant aveu, ma première pensée fut une pensée d'avare. Qu'étaient devenus mes biens? Quel usage en avais-tu fait? Hier, lorsque les portes de l'hospice se sont ouvertes devant moi, j'ai couru chez mon notaire, ton ancien patron et mon ami. Sa stupeur, tu la comprends. Voici quelles ont été ses paroles. La première idée de votre fils, lorsqu'il a partagé l'erreur commune au sujet de votre mort, a été de se considérer seulement comme dépositaire de vos richesses, de n'en disposer qu'à l'âge de 36 ans, en distrayant seulement une faible somme destinée à son entretien et à celui de sa femme. Mais au bout de 6 mois, après une assez grave maladie, pensant que la mort pourrait le frapper avant qu'il eût accompli ce qu'il considérait comme un devoir sacré, votre fils a changé d'avis et m'a fait part de ses projets auxquels j'ai adhéré de toute mon âme. Mais ces projets, quels étaient-ils? Ai-je demandé à ton ancien patron. Ayez le courage d'attendre jusqu'à demain minuit, m'a-t-il répondu. Rendez-vous alors à l'église de Chaillot. Vous saurez tout et vous remercierez Dieu de vous avoir donné un fils tel que le vôtre. J'ai eu le courage d'attendre jusqu'à ce soir, mon cher Louis. Ma longue barbe, mes cheveux tout blancs, me changeaient déjà beaucoup. J'ai bistré mes traits, afin de me défigurer tout à fait et de pouvoir ainsi m'approcher de toi sans être reconnu. « Oh, tendre et noble enfant !» ajouta le père Richard en pleurant d'attendrissement. « Si tu savais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, mon nom vénéré, adoré, grâce à la grandeur de ton âme et à une pieuse supercherie de ton amour filial, si tu savais la révolution subite qui s'est opérée en moi !»« Oh, tiens, vois-tu, pendant un moment, j'ai éprouvé une sorte d'extase, oui. Pendant qu'en ma présence l'on bénissait ainsi ma mémoire, il m'a semblé que mon âme, dégagée de ses liens terrestres, planait dans le ciel comme planent sans doute les âmes des hommes de bien qui entendent encore ici-bas l'expression de l'amour et de la reconnaissance qu'ils ont laissée après eux. Hélas, cette illusion a été de courte durée. Je n'étais pour rien dans ces touchantes actions dont on me glorifiait. Que dites-vous, mon père? Sans vous, sans votre persévérante épargne, comment donc aurais-je accompli le bien? Ne m'aviez-vous pas laissé un tout-puissant levier? Mon seul mérite a été de bien user de cette force immense, concentrée par vous au prix de tant de sacrifices, de tant de privations. Maître de cette grande fortune que je n'avais pas gagnée par mon travail, j'ai compris les devoirs qu'elle m'imposait. L'horrible misère et l'ignorance dont ma femme bien-aimée avait souffert, les dangers auxquels cette ignorance et cette misère l'avaient exposée, la cruelle infirmité de sa marraine, tout a été un enseignement pour moi. Et ainsi que Mariette et Madame Lacombe, nous avons voulu, autant qu'il serait en nous, épargner aux pauvres la peine dont nous avions tant souffert. Cher enfant, cela n'est pas mon œuvre, mon père, c'est la vôtre. Jouissez de votre gloire, mon père. Vous avez laborieusement semé. Je n'ai fait que recueillir. La moisson vous appartient. Soudain, la porte du cabinet s'ouvrit brusquement. Florestan de Saint-Hérem entra, se jeta dans les bras de Louis avec tant d'impétuosité qu'il n'aperçut pas le père Richard, et s'écria « Embrasse-moi, Louis, réjouis-toi. Tu es mon meilleur ami. À toi, la première nouvelle. » « Je comptais te trouver ici, car ce n'est pas de cette année que je sais comment tu fêtes les anniversaires du 12 mai. Aussi, je n'ai pas voulu perdre une minute pour venir t'apprendre que Saint Ramon devient un bel et bon saint, car il vient de faire le plus incroyable des miracles. Que veux-tu dire ? Il y a 2 heures, j'étais complètement ruiné, ou peu s'en faut. Maintenant, je suis plus riche que je ne l'ai jamais été, et surtout que je ne le serai jamais, Louis. Des mines d'or, des mines d'argent, des diamants à remuer à la pelle, des richesses fabuleuses, une fortune qui se compte par dizaines de millions. Oh, Saint Ramon, que votre nom soit sanctifié. Combien j'ai eu raison de vous canoniser, car, vive Dieu, vous n'êtes pas ingrat. Florestan, de grâce, explique-toi. Il y a 1 heure, la fête que je donnais, tu le sais, à ces dignes artisans, touchait à sa fin. Un de mes gens me prévient qu'une femme venue en fiacre s'est fait conduire dans mon appartement et demande instamment à me parler. Je monte chez moi, que vois-je? La comtesse Zomaloff, jeune et charmante veuve qui, dans 8 jours, devait épouser le duc de Riencourt. Cette nuit, elle est venue visiter mon hôtel pour l'acquérir. Elle l'avait acheté, en effet. Stupéfait de la revoir, je reste un moment muet. sais-tu ce qu'elle me dit du ton le plus naturel du monde ? Monsieur de Saint-Hérem, mille pardons de vous déranger, j'ai seulement deux mots à vous dire. Je suis veuve, j'ai 28 ans. Je ne sais trop pourquoi j'avais promis à monsieur de Riencourt de l'épouser. Peut-être aurais-je accompli ce sot mariage si je ne vous avais pas rencontré. Votre cœur est généreux, votre âme élevée. La fête que vous avez donnée ce soir me le prouve. Votre esprit me séduit, votre caractère me charme, votre bonté me touche et votre personne me plaît. Quant à moi, la démarche que je fais en ce moment vous donne la mesure de ce que je suis, de ce que je vaux, en bien et en mal. Cette démarche étrange, inconvenante, extravagante peut-être, vous l'apprécierez. Si votre jugement m'est favorable, je serai fière et heureuse de devenir madame de Saint-Hérem et d'habiter avec vous l'hôtel Saint-Ramon. J'ai une fortune colossale. Vous en disposerez comme vous l'entendrez, car je vous confie aveuglément mon avenir. J'attendrai donc votre décision. Bonsoir, monsieur de Saint-Hérem. À ces mots, mon cher Louis, la fée disparaît et me laisse dans un tel éblouissement de bonheur que j'ai cru en perdre la tête. Florestan, lui dit Richard d'un air grave et affectueux. La confiance aveugle de cette jeune femme, venue à toi avec tant de franchise et de confiance, t'impose de grands devoirs. « Je comprends, mon ami, » répondit Saint-Hérem avec un accent rempli de sincérité. « J'ai pu dissiper les biens qui m'appartenaient et me ruiner, mais me montrer aussi prodigue d'une fortune qui n'est pas la mienne, ruiner une femme qui me confie si loyalement son avenir, ce serait une infamie. » Environ un mois après ces divers événements, Madame Zomaloff épousait Florestan de Saint-Hérem. Louis Richard, son père et Mariette assistaient à la cérémonie nuptiale. Le père Richard, malgré sa résurrection, ne changea rien à l'usage que Louis avait fait jusqu'alors des biens paternels. Seulement, le vieillard demanda instamment d'être l'économe de la maison, et en cette qualité, il y rendit de très grands services. Tous les ans, on célébrait doublement le 12 mai. Louis, son père et Mariette, qui voyaient fréquemment M. et Mme de Saint-Hérem, assistaient à une fête magnifique donnée à l'hôtel Saint-Ramon le jour anniversaire de leur union. Mais à minuit, Florestan et sa femme, qui s'adoraient, car ce mariage avait fini par devenir un mariage d'amour, allaient partager le dîner de noces des 6 nouveaux ménages dans la maison du bon Dieu. Ainsi s'achève le tome 2 de L'Avarice, 6e des 7 péchés capitaux d'Eugène Sue.